Bienvenue dans le premier épisode du podcast des classes préparatoires du lycée Joffre. Ce podcast a pour but de vous faire partager les manifestations organisées au lycée Joffre autour des classes préparatoires. Ainsi, vous pourrez découvrir ce qu'on y fait et plus généralement ce à quoi on se destine quand on entre en classe préparatoire. Pour commencer, je vous propose d'entendre la séance de questions qui a suivi la conférence de Patrick Pinette le mois dernier. C'était une conférence de physique et on a parlé de la physique des tsunamis. Au travers de son exposé, nos élèves ont pu voir ce qu'on faisait en recherche et comment on utilisait une formation en classe préparatoire dans une carrière d'ingénieur ou de chercheur. Dans la suite de ce podcast, dans les prochains épisodes, je vous proposerai de suivre la suite de cette conversation. Et dans cette suite, on abordera d'autres thèmes. On verra par exemple que la science, la culture et les questions de société sont liées dans la problématique de la prévention des catastrophes naturelles. Et puis, comme Patrick Pinette est passé par une TOP et par une école d'ingénieur, nous en avons profité pour évoquer avec lui le déroulement de sa carrière et son évolution depuis sa sortie de l'école d'électronique de Grenoble. Son parcours, vous verrez, est assez évocateur de ce qui est possible de faire après une école d'ingénieur et après un passage par une classe préparatoire. Auparavant, dans ce premier épisode, Patrick Pinette répond à quelques questions de physique. Une seule fois, elles ont atteint l'autre bout de l'océan en même pas 5 minutes, et on n'en parle plus. Donc, a priori, on n'attend pas deux séismes de magnitude aussi élevée, de magnitude 9, séparés de à peu près 5 minutes. Donc, quand vous avez votre séisme qui a lieu, ça veut dire que vous allez avoir en 15 minutes... ici, en 3 minutes, ici, un déplacement de 15 mètres de ce point-là par rapport à ce point-là. Localement, ici, vous allez mettre des roches sous contrainte. On est bien d'accord. Et là, au contraire, vous allez les étendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une dislocation. Vous créez une dislocation dans votre milieu. L'ensemble, vous êtes dans un milieu. Et donc, localement, vous aurez des petits séismes qui vont avoir lieu dans cette région-là pour ajuster ce champ de contrainte. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Omori. Et typiquement, c'est... alors ça dépend, c'est une loi empirique, mais sur un magnitude de 9, c'est à peu près jusqu'à un mois. Et le plus gros événement, ça va être quoi? Ça va être à peu près la moitié jusqu'à la taille de cette faille-là. Donc vous aurez généralement dans les 24 à 48 heures, à peu près, dans les 48 heures ou jusqu'à la semaine, vous pouvez avoir un séisme de magnitude à peu près jusqu'à 50-80% du précédent. Mais dans le cas de ces très très gros séismes, on ne l'observe pas, parce qu'on est dans une région un petit peu particulière pour les séismes de tsunami, c'est qu'on est dans le cas d'un tsunami, d'un séisme qui est très superficiel, et donc les réarrangements de contraintes sont limités dans la partie basse, puisqu'il n'y en a pas en haut, là on est sur une surface libre. Donc dans ce cas-là, on attend effectivement des répliques, mais ce sont des répliques qui devraient être de magnitude sensiblement inférieure, et le fait est qu'on ne redoute pas un deuxième tsunami. Par contre, les gens, effectivement, quand ils ont ressenti un premier tsunami, ils sont paniqués. Et donc il suffit d'une petite secousse sismique pour que ce qu'ils n'ont pas appliqué lors de la grosse secousse sismique, là c'est la terreur et ils l'appliquent. Et je peux vous le dire, puisque moi je suis un des rares sismologues à avoir subi un gros tremblement de terre dans l'hôtel où j'étais, il y avait 20 morts, complètement par hasard, hein, c'est pas moi, la presse avait dit que je savais, j'étais pas au courant, enfin je savais que c'est une région à risque, mais j'aurais pas dormi là, je suis pas fou. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez votre... Bon, moi j'étais sismologue, normalement je sais ce que c'est, j'ai tout de suite compris que c'était un séisme, mais malgré tout, quand vous avez le plancher des vaches qui se bat sous vos pieds, ça vous fait vraiment peur. Ce qui était rigolo, j'étais dans un petit village, et l'ensemble de la population, pendant 3-4 jours, on était tous pas bien. Ça nous avait secoué un peu métaphysiquement. Et donc les gens, après, ils perdent assez bien le côté rationnel. Moi j'étais frappé, je suis pourtant quelqu'un d'assez carré et rationnel, mais là, j'étais secoué, quoi. Et c'est souvent le cas, donc les gens ont peur. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a cette grande faille-là, mais il y a à côté d'autres petites failles adjacentes, parce que vous pouvez imaginer qu'ici, vous avez une deuxième petite faille. Et ce qui s'est passé en mars, magnitude 8, donc deux fois plus petit, 30 fois plus petit, vous avez eu un séisme magnitude 8 encore conséquent qui s'est produit là, et ça fait partie des choses qu'on peut attendre, mais on n'est pas capable de le prédire de façon très claire. Une fois tant en temps, ça va en produire un, d'autres fois, ça n'en produira pas. La seule façon qu'on aurait pour bien le connaître, c'est de connaître, je reviens à la version, la structure en détail. Mais qui va vous dire si oui ou non, là, à 20 km de profondeur, il y a une petite structure, une faille? Comment on peut le savoir? Soit on vient avec des appareils, on fait de la tomographie sismique, c'est-à-dire qu'on met ici une source sismique, ici des récepteurs, puis on fait des ondes, et là on va véritablement regarder ce qui se passe dessous, mais ça coûte une fortune. Soit l'autre solution, c'est qu'il faut qu'il y ait des petits séismes avec des sismomètres. Mais mettre des sismomètres sous les océans, on ne sait pas bien faire, ça coûte très cher. Donc c'est des régions qu'on connaît mal. Donc ça fait partie des choses possibles, statistiquement peu probables, et puis parfois ça peut se produire. Je vais me permettre de te retourner la question, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est la hauteur de la... Ça va être gouverné par la taille du trou. Donc... ça dépend de la taille du trou. Alors la taille de la faille, elle est proportionnelle à sa magnitude. Pour fixer les idées, un magnitude 9, c'est à peu près, donc on l'a vu, 500 km. Un magnitude 6, c'est à peu près une quinzaine de kilomètres. Alors si tu veux une vague qui se propage à l'échelle de l'ensemble de l'océan, c'est clair qu'un magnitude 6 ne marche pas du tout. Par contre, si tu veux quelque chose comme le Krakatoa, très localisé, puisqu'on est dans un détroit, dans une espèce de mer fermée, là, évidemment, il suffit d'un petit trou pour que ça fasse un effet colossal. C'est le rapport de surface entre la surface du trou et la surface des côtes. C'est ça qui va gouverner. Donc c'est pour ça que je renvoie la question en physicien. Il n'y a pas de réponse absolue. C'est le rapport des deux surfaces qui va gouverner ça. Et typiquement, je vais me permettre un petit détour, parce que dans la Méditerranée, quand on regarde la Méditerranée, l'aléa de tsunami, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un tsunami dans la Méditerranée, il n'est pas du tout le même selon l'endroit où on se trouve. Ça, c'est une autre conférence, mais je ne pense pas que je vais vous la montrer. Mais dans la Méditerranée, on a une région où il y a d'énormes tsunamis, c'est-à-dire beaucoup de morts, c'est l'Italie. Mais en fait, c'est des trucs très fermés, parce que dans le détroit de Messine, vous avez plein de petites failles, vous avez une grande topographie instable, il suffit d'un petit séisme pour que ça passe un éboulement, et historiquement, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts chaque siècle. Donc c'est énorme, alors qu'en fait, c'est des tout petits bouts de failles. Et à l'inverse, vous avez la partie orientale de la Méditerranée, où il y a une zone de subduction, moins grande que celle-là, mais une vraie zone de subduction, et où là, on attend des plus gros tsunamis, mais par contre, dans une région plus grande, moins habitée, parce qu'en plus, l'Italie, ceux d'entre vous qui connaissent, c'est quand même des falaises au sud de l'Italie, donc les gens, ils ne peuvent pas s'en aller, finalement, ils sont contre la falaise, donc là, ils sont piégés, et donc, ce n'est pas une réponse absolue. C'est le rapport des surfaces, et j'y viens, la vulnérabilité des gens. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je vous ai parlé de l'aléa, c'est-à-dire que la probabilité qu'en un endroit donné de la Terre, il y a une catastrophe donnée. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Si vous avez un séisme de magnitude 10 au milieu du Sahara, les Bédouins, ils vont se prendre leur tente sur la gueule, il n'y aura pas de mort, on oubliera. Si vous avez un magnitude 5 à New York, c'est la catastrophe. Donc, le vrai risque, c'est la combinaison de l'aléa, c'est-à-dire la probabilité mathématique qu'il y ait une catastrophe donnée, avec notre vulnérabilité. Et c'est sur la vulnérabilité qu'on doit agir. Et donc, la vraie question, c'est quelle est la région vulnérable? Alors, au passage, dans la région ici, ce n'est pas les séismes qui nous menacent, c'est les inondations. Et clairement, il y a une chose sur laquelle on pourrait tous, en tant que citoyens, faire quelque chose, c'est la réduction de notre vulnérabilité. Quand on s'amuse à habiter dans les deltas, il ne faut pas s'étonner que le jour où ça s'échauffe, on soit noyé. Voilà. Arriver que l'onde se réfléchisse sur une côte en falaise en eau profonde, par exemple, qu'elle arrive très vite et qu'elle se réfléchit, on a une tsunami de l'autre côté. Bien sûr, oui, on le voit très bien, oui, tout à fait. Et vous refaites, typiquement, vous avez bien vu, là, en l'occurrence, alors qu'est-ce qui va diminuer l'amplitude de votre onde? C'est ce qu'on appelle l'essentiellement, l'avantage de l'eau, c'est que, bon, l'eau de mer, c'est pas une eau parfaite, mais elle a quand même une viscosité très faible. Au premier ordre, la viscosité de la mer, qui est donc la capacité de la mer quand elle se déforme à frotter, donc à réduire l'eau, à réduire l'énergie, elle est quasi nulle. C'est un fluide presque parfait. Par contre, ce que vous avez, c'est que vous allez avoir, pour bien le comprendre, pour faire l'hypothèse, c'est votre goutte d'eau qui tombe. Au début, eh bien, votre énergie, la première seconde, elle est concentrée dans un petit rayon. Puis progressivement, votre cercle autour duquel votre énergie se régule, il va être d'amplitude plus grande, le rayon. Et du coup, pour conserver la même quantité d'eau qui a été mobilisée, vous avez un rayon plus grand, donc vous avez une hauteur d'eau plus faible pour avoir le même volume. Donc ce qui va gouverner la dispersion géométrique, ce qui va gouverner la baisse d'amplitude, c'est la dispersion géométrique. Donc si vous êtes dans le cas d'un canal parfaitement horizontal, donc sans dispersion géométrique, avec une onde qui est perpendiculaire à votre canal, normalement c'est quasi infini. Auquel cas, ce qui va jouer, c'est la viscosité de la flotte, et je sais pas, il va falloir au premier ordre une vingtaine de réflexions pour que vous ayez une diminution sensible. Mais dans la réalité, vous êtes plutôt dans le cas circulaire, et donc vous avez la première dispersion géométrique, puis la seconde. Parce qu'en plus... Mais ça se reconcentre quand ça revient. Non. Si ça se réfléchit sur toutes les côtes et ça revient. Ah oui, mais alors ça, il faut que quelqu'un, vous soyez pile poil au centre. Non mais, vous pouvez toujours trouver une circonstance où ça va être le cas, mais il faut que vous soyez exactement au centre pour que mathématiquement ça marche. Vous vous gourez d'une demi-longueur d'onde, et cette fois-ci, c'est l'effet inverse, ça s'annule. Et comme votre côte, elle n'est pas parfaitement circulaire, statistiquement, ce qu'il faut qu'on retenir, c'est que c'est les 3-4 premières oscillations, pas plus. Moi, j'étais dans le golfe de Corinthe, en Grèce, où il y avait donc un mini-tsunami de 3 mètres de haut. On a vu l'oscillation du golfe avec la... Donc, c'est gouverné par la longueur du golfe par rapport à la vitesse de propagation. C'était 15 minutes, c'était les 4 ou 5. Après, généralement, c'est quand même vos petites réflexions locales qui vont vous atténuer l'énergie. Mais c'est un autre phénomène.